Affaire sensible sur France Inter aujourd'hui, l'histoire de l'archipel du Goulag, le livre d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est aussi bien sûr l'histoire d'Alexandre Solzhenitsyn lui-même, dont nous allons parler avec vous maintenant, Nikita Struff. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien professeur de lettres à la faculté de Paris-Nanterre, traducteur de littérature russe, vous étiez éditeur chez Imka Press à Paris en 1973 et vous avez participé à la publication de la première version russe de l'archipel du Goulag. Vous êtes donc un témoin privilégié de cette histoire. Déjà, quels souvenirs vous en gardez de cette fameuse année 73 où vous avez vécu quelque chose de fort? Il y a fois l'année 73, mais aussi l'année 71, où j'ai reçu une lettre par les moyens clandestins. Oui, qu'on a raconté. D'Alexandre Solzhenitsyn, effectivement, me demandant de publier août 14, donc la première partie d'août 14. Alors j'ai été, je dirais, étonné, époustouflé même, qu'il s'adresse à moi. Ma vie. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais j'étais comme tout le monde. J'avais lu Ivan Denisovitch et La Maison de Matryona, et comme beaucoup de lecteurs en France, nous avons été conquis par ces deux ouvrages qui annoncent en quelque sorte l'archipel du Goulag, parce que ils sont axés sur deux éléments, la souffrance, le renoncement, et d'autre part, le bien et le bien religieux qui se manifeste dans cette vieille dame de province. Alors vous connaissez bien la Russie, évidemment, vous saviez ce qui se passait en Russie, c'est clair, mais pas autant. Solzhenitsyn nous a apporté une preuve, si tant est qu'il... il a apporté une preuve de cela. Ça qui est fort aussi dans son... Si l'on veut, mais il y a eu des preuves avant de bons témoins, simplement, ou de vrais témoins, allemands ou français, etc. Mais effectivement, c'était autre chose. C'était l'apparition d'un génie. Parce que, au-delà de ce qu'il raconte, il y a la dimension littéraire forte, les mots, c'est ça que... C'est ça, humaine. Humaine, et puis on a vu que le génie se développait. Bon, on avait deux récits d'abord, on a eu la première partie de l'archipel, et puis la première partie de la Roue Rouge, cela a commencé, mais ça a enflé jusqu'au bout, et j'ai été comme ça l'éditeur volontaire et... de Solzhenitsyn jusqu'à son retour en Russie. Alors Claude Durand a joué un rôle important aussi, hein. Parlez-moi de cet homme. Oui, en particulier pour les publications en France. Lui et Paul Flamand, qui était le directeur des éditions du Seuil, avec lesquels j'étais lié aussi par mes livres sur la Russie soviétique, c'est-à-dire sur les chrétiens en URSS et les persécutions, ont été à la fois très au courant, mais insuffisamment du côté de l'intelligentsia, pour parler un peu russe, de l'intelligentsia française. Voilà. Et donc j'étais en contact avec, c'est moi qui ai mis finalement en contact Paul Flamand et Claude Durand avec Solzhenitsyn. Mais j'étais surpris avec, alors là aussi ça, c'est une particularité de Solzhenitsyn, c'est qu'il s'est donné tout entier avec une confiance totale. En général, la totalité, je dirais, c'est l'une des attributions de Solzhenitsyn. Alors, est-ce que vous vous attendiez à un tel impact? Vous imaginiez évidemment que ça allait faire du bruit, cette affaire-là, hein, mais un tel impact, que c'était quasi universel. Moi, j'étais gosse et je m'en souviens comme un événement très important pour mes parents, pour les adultes, on ne parlait que de ça. Oui, je crois qu'on pouvait, facilement s'y attendre, surtout quand on connaissait la réalité d'une certaine façon indescriptible. Ouais. Et pour cela, parfois niée ou minorée, etc. Tandis que là, elle était servie précisément dans l'immensité de sa perversion. Alors, pour autant, à l'Ouest, il y a eu certaines difficultés à appréhender le personnage Solzhenitsyn, notamment à gauche. On va écouter une archive ensemble de sa première intervention télévisée en France sur le plateau d'Apostrophe, c'était en 1975. Ce jour-là, il est interrogé par Jean Daniel du Nouvel Observateur qui lui demande sa vision de l'Occident. Écoutez bien. J'estime... que beaucoup de fautes ont été commises dans l'histoire, dans toute l'histoire du monde depuis le XVIIIe siècle, précisément parce qu'on a attaché une importance exceptionnelle au fait qu'on n'avait pas suffisamment de biens matériels, et on a estimé que dès qu'on aura bien rassasié, abreuvé et partagé tous les biens matériels, à ce moment-là, le paradis terrestre sera instauré. Et tout sera merveilleux. Mais tout l'esprit de mon archipel, de mon œuvre, n'est-ce pas, c'est... consiste à montrer que ceux qui sont privés non seulement de nourriture et de vêtements, mais même d'espoir de vivre... Eh bien, malgré toute cette privation totale, les hommes peuvent éprouver un immense élan spirituel. Et l'un de mes avis sur l'Occident, à savoir que cet Occident qui est tellement plein de biens matériels qu'il les foule presque aux pieds, comme dans tous les pays d'Occident d'ailleurs, eh bien, tout à coup, les hommes commencent à faiblir dans leur âme, dans leur esprit. Alors, c'est intéressant parce que contrairement à Aleš Valeša, par exemple, qui dans une dialectique un peu simple, genre les ennemis de mes ennemis sont mes amis, hein, était un homme qui admirait l'Occident, un homme de droite, quoi. Voilà, lui, Solzhenitsyn est beaucoup plus nuancé, lucide en tout point. Hein. Si l'on veut, lucide, mais moi, je n'étais pas toujours d'accord avec sa critique de l'Occident, un peu trop poussée peut-être, parce qu'il lui était quand même un peu étranger. Mais ça n'a pas nui du tout à notre collaboration, ni ça n'a nullement nui à notre amitié, que je crois a été tout à fait sincère, comme le montrent les centaines de lettres que j'ai reçues de lui, et toutes nos visites, toutes nos visites aussi bien à Zurich que dans le Vermont, etc. Quel genre d'homme il était? Alors, c'est pour le côté anecdotique, mais c'est toujours intéressant de savoir quel est l'homme qui se cache derrière le grand homme d'histoire. Bah, je dirais c'est l'union des oppositions. C'est un homme volontaire, mais enfin très humble en même temps. Moi, j'ai fait beaucoup de choses avec lui. Nous avons travaillé ensemble sur ses textes. Et il me les lisait toujours avant, et je donnais mon opinion. Mais aussi, j'ai joué au tennis avec lui. il avait des moments de fantaisie. On peut imaginer un homme qui est gravé par la gravité. Il a vécu des choses terribles. Mais c'était plutôt quelqu'un aussi qui pouvait avoir de la fantaisie, rire, aimer vivre. Comment était-il ? Oui, mais pas trop non plus. Pas trop non plus, parce qu'il était orienté vers, je dirais, l'exécution de ce qu'il considérait comme son rôle providentiel dans l'histoire. Et même son rôle providentiel dans sa propre vie, etc. Il a été vraiment visité à plusieurs reprises. Il a réchappé à la mort plusieurs fois. Et alors, c'est quelqu'un qui était à la fois... C'est curieux parce que personne ne me croira, mais il était à la fois très humble par certains côtés, très volontaire par d'autres, parce que pour travailler comme il travaillait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nikita Struve, on va continuer à parler de Solzhenitsyn, de son œuvre, de la dimension politique et historique de son œuvre, dans quelques minutes après avoir écouté Barry White, Let the Music Play, c'était en 1973 précisément. One ticket, please. A lot of homeless, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. Yeah, right here, where I'm gonna stay. On le sait, l'Union soviétique finit par tomber, disparaître 15 mois après la chute du mur. Alors on sait que le mur lui-même n'est pas tombé évidemment d'un seul coup, c'est un processus historique. Il y a eu des brèches dures hein, dans le glacis soviétique et communiste, notamment la brèche polonaise de 1980. Est-ce qu'on peut estimer que les livres, l'action de Solzhenitsyn a été une brèche alors idéologique, intellectuelle, qui a fragilisé l'URSS? Je pense qu'on a le droit d'y de le penser, tout en peut-être n'affirmant pas trop fort. C'est parmi les brèches, effectivement. C'est une brèche. C'est plus que ça, parce qu'il y a aussi la partie, je dirais, positive. C'est-à-dire par rapport à l'homme. L'œuvre de Solzhenitsyn, y compris l'archipel du Goulag, est un hymne à l'homme. Il n'a jamais désespéré. En général, c'est un prophète de l'espérance, malgré tout ce qu'il a subi, et personnellement, en tant que malade, et personnellement, etc. Mais ce qui est le fond même de son œuvre, c'est un hymne à l'homme. Mais un hymne tout à fait, je dirais à la fois, c'est toujours l'union des contraires. Mmh. Il connaît les faiblesses de l'homme, et ses propres faiblesses. Mais il connaît aussi la grandeur de l'homme. Et il pense, il a espoir que la grandeur de l'homme l'emportera sur les systèmes politiques. Voilà, c'est ce qui est arrivé, au bout du compte. Mais oui, mais il se rendait compte, il était même un peu triste parfois, que les choses n'aillent pas mieux dans le monde, ou même en Russie post-soviétique. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, puisque le pays a été exsangue après tant de 50 stalinisme. Bien sûr. Voilà. Mais alors, n'est-ce pas, c'est précisément ce qui est magnifique, c'est que cet homme volontaire, cet homme d'une grande intelligence, il voit les deux bouts toujours. Il essaye de les, non pas de les marier, mais je dirais à la fois de les confronter. Et ça, c'est l'intérêt, d'ailleurs, de toute son œuvre. Il confronte ces deux aspects de l'homme. Alors, quel souvenir avez-vous et qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu à quel point les communistes, les dirigeants communistes de l'époque, les dirigeants français, Georges Marchais en tête, se sont retrouvés en porte-à-faux. Enfin, ça en est presque comique quelques années après de voir ça. Je n'avais jamais eu une impression tant soit peu positive du communisme français. Bien sûr, ils avaient participé à la résistance, mais encore, après que la Russie est entrée en guerre avec l'Allemagne, mais il faut dire que ce n'était pas la gloire de la France, le Parti communiste. Et donc, effectivement, les livres de Solzhenitsyn n'ont pas arrangé, hein, ont beaucoup gêné les dirigeants communistes français. Alors, un autre dirigeant communiste, celui-là, en Union soviétique, Andropov. Andropov a été très malin, finalement. D'ailleurs, c'était un homme assez intelligent. On rappelle que Andropov a succédé à Brejnev avant Tchernienko. C'est allé rapidement. Andropov était un personnage intéressant qu'il avait promu, notamment le jeune Gorbatchev. Hein, donc, il avait des idées peut-être plus claires que les autres, c'est Andropov. Et alors, il a choisi l'exil. Il a bien ciblé l'exil. Parce qu'il a compris à quel point pour Solzhenitsyn c'était fort, c'était dur. Solzhenitsyn s'y attachait à la terre russe et à l'âme russe. Oui. Président, moi, quand j'ai publié l'archipel du Goulag, je me suis dit, dans quelques mois, on verra Solzhenitsyn en France. Parce que l'arrêter après la publication de l'archipel du Goulag, c'était souscrire à la vérité. Et ou le tuer. L'exil, moi je pense que dans l'idée, bon, c'est ce que j'ai écrit à l'époque, même je pense que Andropov pouvait pensaient qu'ils ne résisteraient pas à l'Occident, qu'ils étaient trop russes ou trop impliqués, etc. Mais il a eu parfaitement tort. On va reparler tout à l'heure de l'écriture. Vous êtes traducteur, vous êtes aussi un homme de lettres, vous. De l'écriture de Solzhenitsyn, à la manière d'un Tolstoï, peut-être. Et ça nous permet aussi de parler de ce qu'on appelle l'âme russe, sans savoir vraiment exactement ce que c'est. Il y a Tchekhov, mais c'est quoi l'âme russe? Et comment elle se manifeste, comment elle se traduit dans la création artistique russe, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit littéraire? Solzhenitsyn appartient au peuple russe. Et par ses origines, et par ses différentes activités, et par ses maladies, par son... et aussi par son enfermement dans le goulag. Alors, il est en ce sens absolument, parfaitement russe. Mais en même temps, il a cet appel de l'universalité. Ce qui caractérise non pas l'âme russe, mais la littérature russe. Mm-hmm. Vous n'avez pas nommé Dostoïevski, mais... Non, ça plus. Évidemment, évidemment. Pas seulement Tolstoï. Non, mais évidemment. Encore que Solzhenitsyn est peut-être un peu plus proche de Tolstoï que de Dostoïevski, parce qu'il lui a peut-être manqué un peu de formation philosophique. Mais enfin, il en a quand même. Et en ce sens, il est effectivement parfaitement russe, mais aussi dans son... dans sa nostalgie de l'univers, nostalgie n'est peut-être pas le mot bon, de l'universalité. Et c'est ce qui fait qu'il a été entendu, même s'il est moins lu maintenant, parce que, bon, en général, le temps est parfois dur pour les écrivains. Mais il sera lu, relu, et il est parfois difficile à lire. Alors, évidemment, son écriture aussi, alors c'est une écriture presque nouvelle, parce qu'elle... Elle est d'une richesse incomparable. À quel niveau? Au niveau de la description, de la justesse des mots, des images? Voilà, et la nouveauté de l'emploi des mots, il les prend dans le passé, il en fabrique, etc. Enfin, il est universel là aussi, si vous voulez. Bon, si je vous pose une question, il ne nous reste que 15 secondes, où vous répondez quasiment par oui ou par non. Je suis sûr que vous n'aimerez pas, mais je le fais quand même. Si. Alors, si je vous dis l'archipel du Goulag, le pavillon des cancéreux, finalement, votre livre préféré de Solzhenitsyn, c'est lequel? Celui qui vous touche le plus? La plupart. C'est une excellente réponse. Merci. Merci en tout cas, Nikita Struve, pour votre témoignage et votre connaissance de l'œuvre de Solzhenitsyn et de la littérature russe en général. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'archipel du Goulag et d'Alexandre Solzhenitsyn, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les nouveaux philosophes et nous le ferons en direct. D'abord parce que nous sommes toujours en direct, mais en direct du Salon du Livre cette fois, le Salon du Livre de Paris, dont Radio France, et le partenaire. Voilà, vous savez tout sur votre émission préférée et sur celle qui suit.